chez les garçons. Fais attention. Changez les côtés. Changez les côtés. Changez les côtés. Changez les côtés. À gauche. Tout le monde à gauche. Tout le monde à droite. DJ à droite. DJ. On y va. C'est l'histoire d'une fille qui était dans mon quartier. Elle était tellement jolie qu'elle ne voulait pas rester tranquille. Tout le monde a parlé, elle ne veut rien comprendre. Son papa a parlé, sa maman aussi a parlé. La colère ne veut rien comprendre, elle veut forcément casser. Pourtant on dit dans la vie, qui cherche va trouver. Si tu as trouvé, faut savoir si porter, c'est comme ça et la vie ma soeur. Ah ouais, c'est vrai quoi. Tout le monde t'a conseillé, papa et maman t'ont parlé. Toi tu ne veux rien comprendre, tu passais tout ton temps à chercher les garçons. Fais attention. Tellement elle a cassé, la gola est tombée malade. On l'a envoyée à l'hôpital. Le docteur nous a dit qu'il n'y a pas de médicaments pour elle. Je suis parti chez le plus grand fétichard de la Côte d'Ivoire. Il a remué la tête. Il dit je n'ai pas rien fait pour elle. Parce qu'elle a le sida. Même si je suis le plus grand fétichard de la Côte d'Ivoire. Moi j'ai pas médicaments pour soigner sida. Ma demoiselle, c'est à toi que je m'adresse, yeah, yeah. Je sais que tu as des lolos. Je sais que tu as des bojos. Je sais que tu as des yeux revolvers. Mais faut pas trop gazer. Faut pas avoir le plus de réconfort. Parce que c'est pas bon. Si tu sais que tu peux pas être sérieux, faut te protéger. Si tu sais que tu peux pas être fidèle, faut prendre un préservatif. Parce que ça peut pas te tuer. Ah ouais. Nakobelela, c'est pas parce que c'est un loup qu'on a attrapé pour pisser, mais c'est à cause de son respect. On y va. Changez les côtés, changez les côtés, changez les côtés, changez les côtés à gauche. Tout le monde, changez des côtés à droite. Le 7 et le 8.